Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Cette semaine, à l'occasion de la sortie en salle du dernier volet d'Harry Potter, nous revoyons ensemble ses aventures et notamment la coupe de feu. Harry Potter a maintenant 14 ans. Il entre en quatrième année au collège de Poudlard, où l'attendent de nouvelles épreuves. Harry est tenté par des cauchemars qui mettent à vif sa cicatrice en lui rendant plus douloureuse que jamais. Cette année, Poudlard accueillera un événement légendaire. Le tournoi des trois sorciers. À partir de maintenant, le tournoi commence. L'élève désigné devra réussir trois épreuves dangereuses. Lui seul entrera dans l'histoire. Lui seul aura la gloire éternelle. Harry Potter et la Coupe de Feu, disponible en DVD et Blu-ray, Warner Home Video.